Dans une station de métro. Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici? Bien sûr, madame. Vous voulez un carnet? Qu'est-ce que c'est, un carnet? Des tickets de métro. D'accord. Un carnet, alors. Pour aller à l'Opéra Bastille, à quelle station est-ce que je dois descendre? Eh bien, vous devez descendre à la station Bastille. C'est direct? Non, vous devez changer à Palais-Royal. Il n'y a pas de bus direct? Si, vous avez le 69. Est-ce que je peux utiliser ce ticket? Oui, madame, ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro.